إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 22 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul. Et Inch'Allah, aujourd'hui, c'est le dernier cours qu'on fait dans ce livre, puisqu'on est arrivé à la fin. Donc, on va commencer tout de suite, Inch'Allah, avec les paroles du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Il dit, « Amma qawlukum, mimma la yastafidu minhu al-shabab, wa la yafhamuhu kathirun minhum, wa la min al-amma. Aqul, fa aqul, hadihi da'watun ghayru sahiha, fa nahnu nukhatibu araban, wa lasna nukhatibu ajaman. ونخاطب عقلاء ولا لا نخاطب مجانين، ونخاطب متعلمين يفهمون ويعلمون ما في تلك الحزبيات من أخطاء ومخالفات للشرع الإسلامي والعقيدة السلفية الصحيحة، ولكنكم لا تريدون أن يفهموا حتى تسيروهم على أهوائكم. إنكم تفرضون على أتباعكم حصارا ثقافيا فتمنعونهم من الحضور عند العلماء السلفيين ومن سماع دروسهم ومن أن يسألوهم عن تلك المناهج. وعلامة ذلك تحذيركم من فلان وكتبه وفلان ونصائحه وأشرطته وفلان ودروسه وأشبهتم بعملكم هذا وأشبهتم بعملكم هذا أصحاب النحلة السوفية وأصحاب النحلة الشيعية حين يفرضون على أتباع وعلى أبنائهم وأصحاب نحلتهم حصارا ثقافيا يحذرونهم من كتب أهل السنة ويصفونها بأنها كتب زيغ وانحراف وأنها سم قاتل وموت حاضر، ويحذرونهم من شيوخ أهل السنة ويصفونهم بأنهم أصحاب زيغ وانحراف، فلا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. وأنتم أخذتم من أصحاب هاتين النحلتين طريقتهم في التنفير عن الحق وترويج الباطل، فتوبوا إلى الله وارجعوا عن الأخطاء التي أنتم عليها. لا تحرموا أنفسكم ولا تحرموا أتباعكم من الخير، وذلك بأن تجلسوا في دروس العقيدة ودروس الفقه حتى تروا الفرق بين ما أنتم عليه وما عليه أهل السنة والمنهج السلفي، والله الموفق. Donc le cheikh il commence dans cette partie du livre et il dit que en ce qui concerne votre parole lorsque vous dites que ce sont le fait de critiquer ces groupes et ces jama'at, que ce sont des choses que dont les jeunes n'ont aucune utilité, hein, et qu'ils ne comprennent pas de toute façon, que la plupart d'entre eux ne comprennent pas, ou bien qui ne profitent pas à la majorité des musulmans ordinaires qui ne comprennent pas ces choses-là. Alors le cheikh il répond à cet argument-là, hein, c'est un argument qu'on entend souvent de la part de certains, qui disent aux gens, il ne faut pas parler de ces choses-là, il ne faut pas critiquer les groupes, parce que les gens, ils ne comprennent pas de toute façon. Hein? Et moi, combien de fois on me disait ça? Je me souviens même quand j'étais à la mosquée. Parfois, certains frères venaient me voir et me disaient, il ne faut pas parler avec les gens, il ne faut pas parler sur le minbar et dire aux gens certaines choses, par exemple, parce que les gens, ils ne comprennent pas, hein, ils ne comprennent rien. Apprends-leur seulement comment faire le wudu, hein, et comment faire la salat. Le reste, il ne faut pas leur expliquer les autres aspects de la aqida et du manhaj et de la religion. Et ça, bien entendu, c'est une grave erreur, comme on va voir dans la réponse du Cheikh Ahmed Al-Najmi. Parce que, juste pour expliquer avant de commencer, c'est que les questions de wudu et de salat, alhamdoulilah, la plupart des musulmans, ils les connaissent, ces choses-là. Peut-être pas dans les détails, mais ils les connaissent en général. Et sinon, il y a beaucoup de musulmans qui sont capables de les enseigner à d'autres frères qui ne les ont pas appris. Toutefois, les questions qui ont rapport avec l'aqida et le manhaj, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont capables de les expliquer, de les clarifier comme il faut. Et donc, dans ce cas-là, c'est très important de pouvoir le faire et de les expliquer. Et en particulier également en français aussi. Parce qu'il y a des musulmans parfois qui se disent, si ce sont des convertis ou si ce sont des gens qui ne parlent pas l'arabe, il ne faut pas rentrer dans ces détails-là avec eux. Parce que, de toute façon, ces gens-là, ils comprennent pas, ils connaissent pas ces choses-là. Ils sont, par exemple, nouveaux dans l'islam, ou bien ils sont convertis, ou bien ils connaissent pas l'arabe. Donc, ils ont pas besoin de savoir ces choses-là. Et ça aussi, c'est une grave erreur, parce que la réalité, c'est que ces idées que ces gens-là répandent, si on n'avertit pas les convertis, donc ça veut dire qu'ils vont rentrer dans l'islam, puis une fois qu'ils sont rentrés dans l'islam, dans quel islam ils vont être? Dans quelle façon de comprendre l'islam ils vont être? C'est sûrement que, une fois que tu te convertis à l'islam, tous les groupes de bid'a, tous les jama'at, tous les ahzab, ils essaient de t'attraper. Et ils essaient de faire de toi comme un trophée, hein, pour lever ça devant les gens, pour dire, regardez, on en a des convertis avec nous, ça veut dire qu'on fait entrer des gens dans l'islam. Donc, ils utilisent les convertis comme une sorte de trophée pour brandir ça devant les gens, pour dire, regardez, on a beaucoup de convertis avec nous, ça veut dire on fait de la da'wah. Même s'ils n'ont rien fait pour convertir ces gens-là, hein, le fait qu'ils soient avec eux, ils disent, bon, regardez, nous, on a des convertis avec nous. Et puis, ils les prennent comme des musulmans de deuxième classe, des fois, parfois, Allah al-Musta'an, en leur donnant une limite, hein, et en les limitant à une certaine compréhension de l'islam, un islam un petit peu christianisé, hein, pour leur faire plaisir. Et donc, c'est important de clarifier et d'apprendre aux musulmans qui sont non-arabes, ou bien qui sont convertis, ou bien qui sont d'autres nationalités, peu importe l'origine d'où ils sont, de leur expliquer les fondements de ce manhaj salafi, et des bases et des règles de la sunna, et des fondements de la sunna, et des règles du tawhid, et de notre aqida, et de réfuter pour eux les jama'at, et les sectes et les groupes, pour qu'ils puissent par la suite, justement, suivre leur religion avec une bonne compréhension, et être avertis de l'égarement des gens qui ont dévié de la voie de la sunna. Parce que sinon, ils vont tomber dans les pièges de ces groupes, et de ces sectes, et de ces organisations d'égarement et de bid'ah. Donc, c'est très très important de le faire. Et donc, en ayant dit ça, maintenant je vais lire la parole du Cheikh Ahmed Al-Najmi au sujet de cette parole. Le Cheikh, il dit, cette da'wa, ou cette prétention que ces gens-là disent, que les jeunes, ou bien les musulmans ordinaires ne comprennent pas quand on critique les jama'at, hein, ça c'est faux. Il dit, c'est ghair sahiha, hein, da'wa ghair sahiha. Il dit, parce que nous, on s'adresse à des gens qui comprennent la langue arabe. On ne parle pas à des gens qui ne s'adressent pas en langue arabe, dans le sens que ces gens-là, nous on parle arabe et eux ils comprennent l'arabe. Donc on ne parle pas avec des gens qui ne comprennent pas. وَنُخَاطِبُ عُقَلَا وَلَا نُخَاطِبُ مَجَانِينَ. On parle à des gens qui sont intelligents. On ne parle pas avec des gens qui ont perdu leur sens ou leur conscience, hein, à des fous. Donc c'est pour expliquer qu'on est en train de parler à des gens qui sont conscients et qui comprennent. Et après il dit, وَنُخَاطِبُ مُتَعَلِّمِينَ يَفْهَمُونَ وَيَعْلَمُونَ مَا فِي تِلْكَ الْحِزْبِيَاتِ مِنْ أَخْطَاءٍ وَمُخَالَفَاتٍ لِلشَّرْعِ الْإِسْلَامِ وَالْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ الصَّحِيحَةِ. Et il dit, nous parlons à des gens éduqués, des gens qui ont étudié, qui comprennent les choses. Et ça, c'est une chose qui m'a surpris de la part de certains parfois, qui disent, il ne faut pas parler aux gens des questions de manhaj, d'aqida, et les avertir contre les groupes de bid'ah et les jama'at, parce qu'ils ne comprennent pas. Alors que ce sont des gens parfois qui ont étudié dans les universités et qui ont appris des choses techniques de la dunya. Alors, s'ils sont capables de comprendre des choses de ce genre, alors pourquoi ils ne seraient pas capables, hein, s'ils sont sincères, de comprendre la réalité des choses qui ont rapport avec ce manhaj et qui ont rapport avec cette aqida, et de comprendre également les erreurs et les égarements qui sont contenus dans ces différents manhaj et dans ces différentes jama'at qui corrompent les, et qui contredisent les fondements et les principes de l'islam. Donc le cheikh il dit, la réalité c'est que vous ne voulez pas qu'ils comprennent. C'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre, ou c'est pas qu'ils ne comprennent pas. La réalité c'est que vous ne voulez pas qu'ils comprennent ces choses-là. Et c'est ça la réalité. Parce que du moment où tu commences à dire aux gens et expliquer aux gens la réalité de ce que suivent ces gens-là, qui suivent ces groupes, eh bien c'est évident qu'ils ne voudront plus les suivre et qu'ils ne voudront plus par la suite les écouter. Et c'est ça c'est de ça qu'ils ont peur et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et donc, le cheikh il dit, la réalité c'est que vous ne voulez pas qu'ils comprennent pour qu'ils puissent être en train de suivre vos passions à vous. Et vous êtes en train de leur imposer un embargo culturel, un embargo dans la science, en les limitant à ce que vous leur enseignez seulement. Hein, c'est ça ce qu'ils font en fait. Hein, ils les limitent à leur jama'a et à leur groupe. Et regardez ce qu'il dit le cheikh. Vous leur imposez un embargo culturel en les empêchant d'assister aux cours des savants salafis et d'écouter leurs cours et de leur poser de poser à ces savants-là des questions au sujet de ces différents groupes et de ces différentes méthodologies dans la da'wah. Et la preuve de ça, c'est que vous avertissez contre tel et tel da'ya. Hein? On trouve ça de leur part. Quand ces gens-là, ils parlent, ils disent, écoute pas Cheikh Rabi. Ou bien ils vont dire, il faut pas écouter tel ou tel Cheikh Salafi. Hein? Il faut pas écouter Cheikh Mohammed Ben Hadi. Il faut pas écouter le Cheikh Mokbel. Il faut pas écouter le Cheikh Al-Albani. Il faut pas écouter Cheikh Ben Baz. Il faut pas écouter Cheikh Mohammed Ibn Uthaymin. Ou bien d'autres noms de ce genre. Donc ils vont faire en sorte de dire aux gens, il faut pas les écouter. Pour faire en sorte que les gens restent ignorants de leurs erreurs. Ils vont dire, il ne faut pas écouter le Cheikh Ahmed al-Najmi, il ne faut pas écouter le Cheikh Abdul Malik Ramadani, il ne faut pas écouter un tel et un tel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire en sorte que les gens restent ignorants des erreurs et des contradictions que leur groupe et leur jama'at ont par rapport au principe de la foi, par rapport au fondement d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'at et de la aqidah des Salaf Salih. Et donc ça c'est important de bien comprendre. Il dit le cheikh, vous voulez pas qu'ils assistent à leurs durus, vous voulez pas qu'ils écoutent leurs cassettes et leurs cours, vous voulez pas qu'ils leur demandent des questions sur le manhaj. Et la preuve c'est que vous dites, n'écoutez pas un tel, n'écoutez pas ses cassettes, n'écoutez pas ses cours, ainsi de suite. Hein? Et ils font la même chose également pour les du'at en Occident par exemple, parmi les frères qui sont salafis, hein, quand ils savent que quelqu'un écoute les durus d'un frère qui est salafi en France ou au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, la première chose qu'ils font, ils disent, écoute pas celui-ci, écoute pas celui-là, fais attention, hein. Alors que quand nous on met en garde contre quelqu'un avec preuve et avec des arguments, quand nous on met en garde contre un de leurs prêcheurs qui appelle à l'égarement et à la bid'a avec preuve et clarification, eux ils disent, ah, mais non, pourquoi vous mettez en garde contre lui? Ah non, ça c'est pas bien. Sans même regarder les preuves, sans même regarder les arguments. Toutefois, eux, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils mettent en garde contre les ulama et contre les du'at qui appellent au manhaj des salaf, mais ils n'amènent aucune preuve. Ils n'amènent aucune explication à leurs fidèles. Ils ne font juste que leur faire peur et que d'essayer de les couper de la science. Hein? Et ils vont même inventer parfois des mensonges sur ces personnes et sur ces du'at pour essayer de les discréditer. C'est comme par exemple, ils disent à propos de Sheikh Bin Baz, ah lui, il a aidé les Américains, dans la, il a donné une fatwa pour faire rentrer les Américains en, en Arabie Saoudite. Quand ils parlent de d'autres choses, ils disent, ils cherchent toujours un petit point, et quand tu regardes, ah, c'est quoi leur argument, ils vont dire, ah mais ces gens-là, ils ont, il faut pas les écouter. C'est tout, sans aucun argument. Et si c'est des arguments, c'est des arguments de type politique ou des trucs de hizbiyya, c'est pas basé sur la science ou la connaissance de l'islam, mais c'est basé sur al-hawa. Pourquoi? Parce que la preuve, eux sont les premiers à aller demander l'aide des Américains ou à aller demander l'aide des Nations Unies ou à faire des manifestations devant les ambassades des différents pays ou à faire des demandes à, par exemple à des organisations pour aider tel ou tel pays ou tel ou tel individu parmi les musulmans, de faire des colloques et des rapprochements avec les chrétiens et les juifs pour dire qu'ils sont leurs frères. Donc, ils prennent les Américains, les Juifs, les chrétiens et tous les koufars, ils les prennent pour des alliés et ils disent qu'ils sont leurs frères. Hein? Mais quand c'est le temps de que les salafis, eux, quand ils ont une difficulté ou quand, par exemple, l'Arabie Saoudite a une difficulté quelconque et qu'ils ont besoin, par nécessité, de demander l'aide des Américains, là, tout d'un coup, pour eux, c'est interdit pour les Saoudiens. Mais pour eux, c'est permis. Eux, ils peuvent le faire. Hein? Mais les Saoudiens, eux, non. Donc, c'est pour vous montrer que ces gens-là, ils ont une technique qu'ils utilisent pour essayer de toujours écarter les gens de la science sans essayer de ramener les gens vers la vérité. Ils veulent uniquement ramener les gens vers leur groupe et vers leur jama'a et leur organisation. Donc ensuite le cheikh il dit, vous avez copié, en agissant de cette façon-là, vous avez imité la méthode des gens qui suivent les soufis et qui suivent les chiites, hein, en forçant les gens qui vous suivent et vos enfants et vos fidèles, les gens qui suivent votre voie de hizbiyya, en les mettant dans un embargo, en les avertissant contre les livres de Ahl Sunnah et en décrivant les livres de Ahl Sunnah en disant que ce sont des livres d'égarement. Hein? Combien de fois on est allé dans certaines mosquées et certaines librairies et on voit que ils ont reçu certains livres salafis. Par exemple, le livre du Cheikh Ahmed al-Najmi, Al-Mawrid al-Uzba al-Zulal. Ils ont reçu ce livre, mais ils l'ont mis de côté. Ils ne l'ont pas mis avec les autres livres. Pourquoi? Quand on leur a demandé, mais pourquoi vous ne mettez pas ce livre-là à vendre avec les autres livres? Ils disent, ah non, on ne peut pas. Il y a des choses, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Cheikh, il critique les jama'ats et il clarifie leur égarement. Quand on est allé là-bas, on a vu qu'ils ont retiré des livres de Cheikh Rabi'a dans leurs étagères. On leur demande, mais pourquoi vous les avez retirés, ces livres? Ah, parce que, hein, ils veulent pas expliquer, justement, parce que ils veulent donner l'impression aux gens qui connaissent pas les principes du manhaj, ils veulent leur donner l'impression que, ils veulent pas leur expliquer parce qu'ils veulent, même ils veulent pas leur expliquer pourquoi ils veulent pas mettre le livre, justement pour pas que les gens soient au courant de ça. Hein? Et même une fois, j'avais une discussion avec un d'entre eux, comme je disais l'autre fois. On parlait en français. Il m'a dit, non, on parle pas en français. On va parler en arabe parce qu'il y a des convertis. On veut pas qu'ils sachent ces choses-là. Il dit, subhanallah, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils comprennent ces choses-là. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Vous allez jouer avec eux. C'est ça que vous allez faire. Donc, c'est ça ce qu'ils font. Ils les gardent dans une ignorance volontaire et par la suite ils essaient d'utiliser cet embargo qu'ils font pour les manipuler et leur faire et croire et dire qu'est-ce qu'ils veulent. Donc ensuite il dit le cheikh, et vous décrivez également leur chouyour également comme étant des gens qui appellent à l'égarement et à la déviation, c'est-à-dire vous décrivez les savants salafis de cette façon. Et vous les décrivez, comme le cheikh il dit à propos de leur livre, vous décrivez leur livre en disant que c'est un poison mortel et que c'est une mort certaine si vous lisez leur livre. Et ils disent à leurs fidèles, ne vous assoyez pas avec eux et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Hein? Et en faisant ça, vous avez imité les gens des deux voies qu'on a mentionnées. Parmi les gens de l'égarement, hein, les soufiyas et les shi'as, qui sont des gens de bid'a et qui avertissent contre la sunna. Donc vous, vous avez imité ces gens-là parce que vous avertissez contre les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Le cheikh, il dit, vous faites fuir vos fidèles de la vérité et vous leur propagez le mensonge et l'égarement. Alors repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala et revenez de ces erreurs que vous faites, et n'empêchez pas et n'interdisez pas, ne vous interdisez pas à vous-même et n'interdisez pas à vos fidèles également de s'asseoir dans les cours de aqidah et dans les cours de hadith et dans les cours de fiqh, hein, jusqu'à ce que حتى تروا الفرق بين ما أنتم عليه وما عليه. Donc, pour que vous puissiez voir par vous-même la différence entre ce que nous sommes en train de suivre et ce que nous et Salafi, les gens qui suivons le manhaj Salafi, qu'est-ce qu'on suit nous et qu'est-ce que les autres sont en train de suivre. Donc, laissez-les venir, laissez-les écouter, laissez-les entendre par eux-mêmes et comparer et voir la réalité. Et laissez-les écouter, les ulama salafiyin. Eux, ils sont toujours en train de dire, non, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une liberté d'expression. Ça, c'est leur discours. Mais quand ils parlent des salafis, et on dirait qu'il n'y a pas aucune miséricorde, aucune ouverture, aucun dialogue, aucune, comment on dit, hein, aucune pitié, hein, et c'est comme si pour dire non, il faut même pas les écouter, ces gens-là. Alors qu'ils disent, à propos, quand ils parlent par exemple des koufars ou des chrétiens ou des juifs ou des autres, ils disent non, il faut voir le bien, ces gens-là ils ont du bien, il faut pas juste voir le mal. Mais quand ils parlent des salafis, non, on a que du mal, on n'a rien de bien pour eux. Hein? Donc c'est comme ça qu'ils ont deux poids, deux mesures quand ils parlent par rapport à notre manhaj, à notre voie. Le cheikh dit ensuite, Amma qawluhu. وهذا أسلوب لم يتبعه كبار علمائنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان ونحن نعتبره من هؤلاء ومكانته لدينا مثل مكانتهم ولقد تتبعنا معظم أشرطتهم وكتبهم ومحاضراتهم فلم نجد إلا اليسير جدا من هذا الموضوع حسب ما تقتضيه الحاجة أو ردا على الأسئلة في حدودها. Le cheikh, il mentionne par la suite qu'est-ce que l'autre personne inconnue, l'anonyme, a dit dans sa lettre également. Il a dit, et la méthode et cette façon de critiquer les jama'at, on ne l'a pas trouvé en suivant les paroles de nos grands ulama, comme par exemple le cheikh Abdul Aziz ibn Baz ou le cheikh Mohammed ibn al-Uthaymin ou bien le cheikh Salih al-Fawzan, et nous vous considérons comme faisant partie de ceux-là dans leur niveau et dans leur place qu'ils ont par rapport à nous. Hein, on vous considère comme faisant partie de ces grands savants-là, mais on a suivi et on a regardé la plupart des cassettes et des livres et des conférences que ces savants-là ont fait, et on a trouvé que très peu de ce genre de critiques et de ce genre de sujets. Selon ce qu'impliquait le besoin, selon ce qu'indiquait le besoin de certaines réfutations parfois, ou bien une réponse à certaines questions dans certaines limites, mais pas cette concentration-là que vous avez eue au sujet de ces jama'at. Donc c'est comme s'il essaie de dire au cheikh maintenant, écoutez cheikh, vous répondez aux jama'at, mais quand on regarde les autres grands ulama, on ne trouve pas qu'ils ont concentré qu'ils ont dédié tout ce temps-là pour réfuter ces jama'at-là comme vous le faites. Et donc, en voulant dire que le cheikh est en train de contredire l'exemple des grands ulama. Et le cheikh, il répond à ça en plusieurs points. Il dit, « أقول أولا إن الله عز وجل أوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمونه والبيان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا كان البيان الذي حصل كافيا مؤديا وإلا لزم الباقين البيان حتى تحصل الكفاية. ثانيا Donc on va expliquer le premier point. Le cheikh dit, premièrement, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux savants de clarifier pour les gens la vérité et de ne pas la cacher, de ne pas cacher la vérité. Et de clarifier la vérité, c'est une fard kifaya, c'est un fard kifaya. C'est-à-dire que si certains musulmans le font, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste de le faire jusqu'à ce qu'il y ait un nombre suffisant qui l'ait fait. Et ça, c'est quelque chose souvent que les gens comprennent pas. Par exemple, ils disent, ah, mais comment ça se fait que le Cheikh Rabin, et comment ça se fait que le Cheikh Mukbil, et comment ça se fait que le Cheikh Ahmed al-Najmi, et comment ça se fait que ces chouyours-là, ce petit nombre de chouyours, ils critiquent tout le monde, hein, et en fait, ils critiquent pas tout le monde. Ils critiquent ceux qui méritent qu'on les critique, parce qu'ils ont des erreurs, et ils les corrigent, hein. Mais eux, ils disent de cette façon. Pourquoi ils critiquent tout le monde? C'est comme quand ils parlent des salafis, ils disent, ah, pour vous, tout est haram. C'est pas vrai. Tout est pas haram. Il y a des choses haram, il y a des choses halal. Mais quand eux, ils parlent de nous, ils disent qu'on dit que tout est haram. Hein? Et donc, ça, c'est des façons comment ils parlent. Ils disent, ah, mais pour eux, tout est haram. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire quand on dit que tout est haram? Ils veulent dire qu'on interdit ce qui est haram, comme la musique, le cinéma, les chants, la danse et des trucs de ce genre. Donc, eux, ils vont dire, par exemple, ah, vous, vous dites que tout est haram. Qu'est-ce que tu veux dire par tout, ici, dans cette phrase? C'est pas de tout qu'il parle, c'est quand on a interdit ses passions et ses désirs. Quand on a interdit ses passions et ses désirs, alors lui il a vu que c'était tout parce que c'est tout ce qu'il a dans sa vie. Pour lui c'est sa vie, alors si tu lui interdis ça, tu lui as tout interdit. Hein? C'est malheureux, Allah nous ta'an, qu'Allah nous protège. Donc le cheikh il dit, qu'Allah les guide aussi, hein? le cheikh il dit donc, que c'est un fard kifaya. Ça veut dire, c'est pas obligatoire à tous les ulama de réfuter les gens de bid'a et de clarifier les choses. S'il y a un nombre suffisant de musulmans parmi les ulama qui le font, alors pour le reste, ce n'est plus obligatoire de le faire, c'est seulement recommandé. Mais, disons que c'est, du bénévolat de la part de certains des ulama qui se chargent de cette tâche pour les autres, hein. Et donc, au lieu de les critiquer pour ça, il faut les remercier d'avoir fait, d'être en train de faire ce travail-là pour les autres, hein? Puisque les autres n'ont pas eu le temps de le faire, ou bien qu'ils ont été occupés par d'autres tâches, ou d'autres occupations dans la da'wa ou dans l'ilm, hein? Eux, ces ulama-là, parmi nos grands ulama, ils ont pris le temps et l'énergie qu'il fallait pour répondre à ces choses-là et s'occuper de ce domaine et de cette catégorie-là de science. Alors pourquoi les critiquer et les blâmer à cause de ça, hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Le cheikh, il dit, s'il y a une partie des musulmans suffisante qui le font, alors pour le reste, ce n'est plus obligatoire, hein? Et donc, s'il y a une clarification qui a été faite par un petit nombre, qui est suffisant et qu'on a rempli notre obligation et notre devoir à ce sujet-là, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste de clarifier ces choses-là. Mais si par contre il n'y a pas un nombre suffisant qui le font, alors dans ce cas-là, c'est nécessaire pour le reste, pour tout le monde de le faire jusqu'à ce qu'il y ait un nombre suffisant. C'est nécessaire pour les gens, pour les savants de le faire jusqu'à ce qu'il y ait un nombre suffisant de musulmans qui clarifie les erreurs des autres. Deuxièmement, Cheikh dit, ثانياً, نحن وهؤلاء المشايخ الذين سميتم وغيرهم ونحن وهؤلاء المشايخ الذين سميتم وغيرهم الكل مكلفون من الله أن نبين فمن أدى سلم من الإثم ومن قصر مع القدرة فإنه يناله من الإثم ما يناله بحسب تقصيره إلا أن سكوت الساكت لا يكون حجة على المؤدي يوجب عليه السكوت بل على ذلك الساكت أن ينظر هل تأدى الواجب بإنكار من أنكر أم لا. Ici, le cheikh il donne un autre point très très important. Il dit, deuxièmement, nous ainsi que les shuyukh que vous avez mentionnés, hein, et d'autres encore parmi les autres ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan et les autres ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, hein, donc on dit à leur sujet, le Cheikh il dit les autres ulama, ils sont tous chargés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de clarifier la vérité, et celui d'entre eux qui a clarifié, il a été épargné du péché, et celui qui a négligé avec la capacité, il aura une part du péché qu'il aura par rapport ou selon le manquement qu'il a eu dans cette tâche. Et ensuite le cheikh il dit, toutefois le silence de celui qui se tait n'est pas une preuve pour celui qui parle, n'est pas une preuve contre celui qui parle. C'est-à-dire que si un d'entre ces ulama ou une personne d'entre les musulmans qui a la connaissance et qui a la capacité se tait au sujet de la clarification de ces jama'at, eh bien son silence n'est pas une preuve contre celui qui parle, hein, contre celui qui clarifie la réalité et la vérité. En fait, c'est la personne qui se tait qui doit regarder est-ce que l'obligation a été respectée et est-ce que l'obligation a été mise en application par la dénonciation qui a été faite par celui qui a dénoncé ces égarements de ces groupes-là ou non. Alors celui qui n'a pas parlé, qui s'est retenu ou qui n'a pas fait ce devoir-là, c'est lui qui doit se poser la question. C'est lui qui doit se poser la question au sujet de savoir est-ce que l'obligation de clarifier, elle a été remplie parce que celui qui a parlé a parlé, celui qui a parlé a dénoncé ou non. Et à partir de ce moment-là, là par la suite, on peut comprendre par la suite que si la tâche n'a pas été remplie, alors c'est obligatoire pour lui de le faire. C'est-à-dire celui qui n'a pas parlé, s'il voit que celui qui a parlé n'a pas fait correctement ou n'a pas fait suffisamment, ou bien que l'obligation n'a pas été encore complétée et remplie, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de clarifier encore plus la question pour que l'obligation soit respectée et remplie. Troisièmement, وفي مثل حالنا هذا وهو أن يكون المنكر قليلا وهو أن يكون المنكر قليلا والباطل كثيرا يجب على أصحاب العلم والقدرة أن يعاضدوا الذي أنكر المنكر ويعينوه ويساعدوه حتى يقتنع الجميع ويترك المنكر هذا من حيث الحكم العام. Troisièmement, dans l'état ou la situation dans laquelle nous sommes, dans la situation actuelle qui est mentionnée, celui qui le cheikh il dit, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui dénoncent le mal et qui clarifient le mal et l'égarement de ces jama'at. D'accord? Et l'égarement et la fausseté est grande. D'accord? Donc il y a peu de gens qui dénoncent l'égarement, et l'égarement est très nombreux, il y en a beaucoup. Donc il est obligatoire pour les gens de ilm, les savants, qui ont la capacité de supporter celui qui dénonce le mal, et de l'aider et de le supporter dans cette tâche-là. Hein? Jusqu'à ce que tous les gens soient convaincus de ce mal et qu'ils abandonnent ce mal. Hein? Et ça, c'est au sujet du verdict général à ce sujet-là. C'est-à-dire que là, on a compris qu'il y a un mal, et il y a peu de gens qui dénoncent ce mal dans ces groupes et dans ces organisations de bid'ah. Donc, étant donné qu'il y a peu de gens qui dénoncent ces égarements-là, eh bien, ceux qui ne le dénoncent pas, leur devoir, c'est de supporter les savants qui dénoncent ces égarements-là. Hein? Et c'est pour ça que vous entendez souvent les gens de bid'ah, quand on est en train de clarifier leurs égarements et tout. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de savants et de tulab ilm parfois qui dénoncent ces choses-là. Il y en a qui vont dire par exemple, ah, moi je préfère écouter des du'as qui parlent du cœur, qui parlent du rappel, qui vont nous purifier le cœur. Quand on entend des gens qui font juste critiquer qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit, ça, ça rend le cœur malade, hein, ça rend le cœur lourd. Et ils utilisent ça comme shubuhat, en fait, pour essayer de faire croire aux gens que, il y a les du'at qui critiquent et qui corrigent les erreurs des gens, ou bien les ulama qui clarifient les égarements des gens de dhalal et d'égarements. Comme si, qu'est-ce qu'ils font, ça, ça rend le cœur malade, ou bien ça éloigne du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'au contraire, c'est eux qui font, qui guérissent les cœurs, et c'est eux qui ramènent les gens à la vérité et qui ramènent en fait la paix dans le cœur, parce qu'ils réfutent les doutes et les shubuhat et les égarements du cœur des gens. Hein, et ils purifient la religion de toutes les faussetés et de tous les mensonges, hein, qui sont racontés. Donc souvent il y a des gens qui disent « Ah mais les salafis ils font juste critiquer, ils font juste parler des gens, ils font juste ci et ça. » C'est parce que les salafis ont rempli cette obligation-là de clarifier et de montrer aux autres la réalité et la vérité, alors que beaucoup d'autres chouyours n'ont pas rempli cette obligation-là. Et donc, à cause de ça, ça nous fait paraître peut-être comme marginaux parfois, ou bien comme étant dans une petite groupe minoritaire, par exemple, qui est en train de dénoncer des choses que les autres ne dénoncent pas. Donc, pourquoi vous voulez dénoncer? Eh bien, c'est parce qu'il y en a peu qui le font, que nous, on est obligés de le faire. Ou bien que en voulant dire que les ulama sont obligés de le faire. C'est ça ce que je veux dire. Et le cheikh, il dit comme point numéro 4, وأنا أقول إن هؤلاء المشايخ لم يسكتوا فقد بينوا بإجاباتهم على الأسئلة فمثلا الشيخ عبد العزيز بن باز سئل ونشر السؤال في الجزء الرابع من مجموع فتواه فقال في صفحة 137 و137 و37 قال السائل ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجماعات الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين فأجاب الشيخ بقوله إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا دربا واحدا يجب على المسلمين أن يسلكوه وهو الصراط المستقيم ومنهج دينه القويم يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون وكما نهى رب العزة والجلال أمة محمد عن التفرق واختلاف الكلمة لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسليط العدو في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب والجمعيات إذا كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواؤهم أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائد عظيمة أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناسبة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le Cheikh il explique, on va lire maintenant, il dit quatrièmement, je dis que ces grands savants que vous avez mentionnés ne se sont pas tus, hein, ils ont clarifié par leurs réponses à différentes questions la réalité au sujet de ces groupes et de ces manahij. Et par exemple le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il a été questionné et la question a été diffusée dans le volume 4 dans le recueil de ses fatwa à la page 136 et 137. On lui a posé la question, quelle est l'obligation des ulamas, des musulmans, au sujet de la grande quantité des organisations et des groupes dans plusieurs des pays musulmans, et on remarque qu'elles sont toutes en divergence entre elles. Toutes ces organisations et tous ces groupes sont en divergence les uns contre les autres. Et chacun de ces groupes déclare que l'autre est égaré. Alors, on considère qu'il est nécessaire et qu'il serait bien d'entrer dans ce sujet-là pour clarifier la vérité au sujet de ces divergences, parce que nous craignons que les conséquences et que les conclusions de ces divergences-là soient très mauvaises pour les musulmans. Alors le cheikh il a répondu en disant, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne, une seule ligne unique à suivre, qu'il est obligatoire à tous les musulmans de suivre, et c'est la voie droite, et c'est la méthode ou la voie ou le manhaj de la religion droite, de la droiture. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh il mentionne le verset 153 dans Sourate Al-An'am qui dit, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petites branches ou les petits chemins qui peuvent vous égarer de sa voie et de son chemin. Hein? Et c'est ce en quoi Allah vous enjoint pour que vous atteigniez la piété, c'est ça, pour que vous ayez at-taqwa. Et après le cheikh il continue, il dit donc Allah, le Seigneur de la puissance et de la majesté, il a interdit à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se diviser et de diverger dans leur parole, dans la parole et dans la religion. Et parce que la division et la divergence est une des plus grandes causes de notre échec, hein, de nos échecs, et du fait que les ennemis auront le dessus sur nous à cause de nos divergences. Donc le cheikh il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-An'am le verset 103, et accrochez-vous tous fermement à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et il mentionne le verset 13 dans Surat Shura, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il a légiféré pour vous comme religion ce qu'il avait enjoint aux autres prophètes et ce qu'il avait commandé aux autres prophètes qui sont venus avant, comme Noé, et ce qui a été révélé sur toi au Mohammed, de même que ce qui a été ordonné ou révélé à Ibrahim et à Moïse et à Issa, d'établir la religion et de ne pas se diviser dans la religion. Et c'est une grande chose pour les mouchriquines, ce à quoi tu les appelles. Hein, pour eux, de suivre une seule religion, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'incroyable, d'impensable, d'inimaginable. Comment on pourrait être unis dans la religion, de s'unir sur la religion, hein? Eux, ils ont plein de divinités, donc comment ils peuvent s'unir dans la religion? Chacun, ils adorent une différente idole dans la religion. Alors comment ils vont s'unir? Impossible. Et donc, maintenant, c'est la même chose pour les gens qui suivent les jama'at. Ils disent aux salafis, quoi, vous voulez juste qu'il y ait une seule jama'at? Vous voulez juste qu'il y ait un seul groupe? Mais que, hein, ils disent, mais ça c'est incroyable, c'est impensable, hein? Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs, on ne veut pas qu'il y ait juste une, hein? Alors que Allah nous dit, il doit y en avoir juste une, et on n'a pas le droit de se diviser, on n'a pas le droit de faire des groupes et des jama'at pour se diviser et pour s'égarer, hein? Et donc, comment quelqu'un peut dire, et tu vois ça déjà parfois dans les pamphlets, des trucs, ils disent, oh, dans l'islam, on a le droit à l'association et à l'organisation et des trucs de ce genre. Oui, on a le droit de s'associer, de s'organiser pour, sur les fondements de la sunna, et sur la vérité, et sur le tawhid, et sur le haqq, sur le Coran, et sur la sunna. Mais on n'a pas le droit de se réunir et de s'organiser, et de se réunir et de faire des groupes et des organisations qui ont des principes et des fondements qui sont contraires à la sunna et au Coran et à la aqidah des salafs, hein, et au tawhid. Hein. Donc il ne faut pas mélanger. Ces gens-là, des fois, ils disent, mais on a le droit de faire des groupes, on a le droit de faire des organisations. C'est pas haram dans l'islam. Non, c'est pas haram dans l'islam de faire des groupes et des organisations qui sont basées et fondées sur le tawhid et qui sont organisées et établies dans un pays musulman et qui reconnaît l'autorité du dirigeant et qui respecte le dirigeant musulman et qui n'appelle pas à s'opposer au dirigeant musulman et qui donne la baie à ce dirigeant. Mais pas d'organiser des groupes et de faire des groupes politiques et des partis qui s'opposent aux dirigeants, qui compétitionnent avec le pouvoir et qui vont essayer de faire des conflits politiques à l'intérieur du pays, ou bien qui vont diviser les musulmans en les appelant à toutes sortes de différentes aqidas et des principes différents, comme les Ikhwan, qui mélangent tous les sectes ensemble et toutes les croyances ensemble et qui disent « Ne parlez pas de aqidas, vous allez diviser les musulmans ». Alors, ne parlez pas du tawhid, vous allez diviser les musulmans. Donc, si le tawhid divise les musulmans, et si la sunna divise les musulmans, et si la aqidah divise les musulmans, alors qu'est-ce qui va unir? Qu'est-ce qui va nous unir? Les pique-niques, hein, les fêtes, les fêtes de, où on invite les gens pour manger de la pizza. Hein? Donc, c'est pour des, notre da'wa et notre manhaj, c'est basé sur une aqida, sur des fondements. On peut pas les mettre de côté puis dire, on va tous se réunir sur n'importe quoi, sans spécifier ou sans distinguer entre ce qui est vrai et faux. Hein? Donc le cheikh, il dit, voici la da'wa divine que Allah nous a ordonnée, c'est de réunir nos paroles, de réunir nos cœurs, le cheikh dit, si les groupes sont très nombreux dans un pays musulman, dans le but de s'aider dans le bien, dans le but de coopérer dans le bien, dans la piété et dans al-birr wa taqwa entre les musulmans, sans qu'il y ait de divergence entre eux et sans qu'il y ait des passions qui soient en train de déchirer les gens qui font partie de ces organisations et de ces associations, alors c'est un bien et c'est une baraka et c'est un grand bien et un grand profit pour les musulmans. Mais si chacun de ces groupes-là est en train de déclarer l'autre groupe égaré et est en train de contredire l'action de l'autre groupe, alors dans ce cas-là, les conséquences vont être très grandes et néfastes pour les musulmans. Hein, c'est comme tu vois aujourd'hui, subhanallah, des musulmans aujourd'hui qui sont en train de clarifier l'islam, le tawhid et la sunna et la sharia pour les musulmans et pour les non-musulmans, et tu vois d'autres groupes de bid'ah qui sont en train de dire non, qu'est-ce qu'ils disent, eux c'est pas l'opinion, c'est pas basé sur les textes et tout, donc c'est-à-dire comme s'ils sont en train de te contredire, et le kuffar ils jouent avec ça, parce que chaque fois que toi tu dis quelque chose, ils vont mettre ta parole à toi, puis après ça ils vont aller poser la question à un autre groupe qui est contre toi, et ils vont mettre dans le même article ta parole et sa parole à lui, et puis ils vont dire, regardez, on a posé la question, on a vu que tel et tel musulman a dit ça, puis on est allé demander à l'autre musulman d'une autre organisation, puis il nous a dit le contraire. Et ils mettent ça dans l'article, hein, comme si, oh regardez, on a deux opinions. On a un groupe qui dit ça, puis on a un autre groupe qui dit le contraire. Mais bien entendu, les koufars, ils sont rusés, ils vont pas clarifier lequel des deux dit la vérité. Ils vont laisser les gens dans la confusion et leur faire croire qu'est-ce qu'ils veulent par la suite, leur laisser croire ce qu'ils veulent. Ils vont pas aller vérifier pour savoir est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai? Et est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, c'est faux? Ils vont pas chercher. Ils vont pas essayer de comprendre parce qu'ils veulent pas comprendre de toute façon. Et puis non seulement ça, non seulement ils veulent pas comprendre, mais ils ne veulent pas que les gens comprennent non plus. D'accord? Donc, ils vont citer une position, puis ils vont citer l'autre position, et puis ils vont toujours, bien entendu, d'une façon indirecte, faire paraître la question comme s'ils n'ont pas de position eux-mêmes, mais tu sens dans le texte qu'on essaie de mettre le poids sur une position en particulier, mais sans le montrer, hein, de façon subtile et indirecte. Donc ça, c'est une des ruses des journalistes et des médias. Hein. Ils mettent des opinions contradictoires dans un même article, et puis ils essaient de montrer par là leur neutralité et leur impartialité, en disant, bon, on est juste et on est honnête, on va mettre toutes les opinions deux opinions opposées, comme ça on va savoir, comme ça les gens vont savoir qu'on est neutre et on est impartial. Alors que ça, c'est de l'injustice en réalité, puisque tu mets deux opinions contradictoires sans clarifier lequel des deux est vrai et sans vérifier les affirmations qui sont faites. Donc ça, c'est une forme de malhonnêteté, mais camouflée. Hein? Nasrallah al-afiyah. Donc le cheikh, il dit ensuite. Donc, c'est ce que le cheikh explique, que les conséquences sont très mauvaises. Ça fait partie des conséquences. C'est que les koufars, ils utilisent nos divisions par la suite pour écraser les musulmans et les affaiblir. Parce que ils vont prendre toujours une parole d'un et la mettre contre la parole d'un autre pour essayer de créer de la confusion. Ensuite, le cheikh, il dit, l'obligation pour les savants musulmans, c'est de clarifier la réalité et de discuter et de débattre avec chaque jama'a et chaque association, et de leur donner la nasiha à tous, hein, pour qu'ils suivent la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour ses serviteurs et a invité, et la voie à laquelle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invité. Et quiconque a transgressé ou dépassé ça, quelqu'un qui a dépassé cette voie que Allah a tracée ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui continue avec orgueil et opposition, hein, poursuivre des intérêts personnels ou des objectifs que seul Allah connaît, il s'oppose à la vérité, à cette voie qu'on a clarifiée, hein, et qu'il persiste dans son égarement pour des intérêts personnels ou bien pour des objectifs que seul Allah connaît, hein, parce que des fois il y en a qui ont des objectifs qui sont cachés, qui sont secrets, hein, parmi ces groupes-là. Donc le cheikh dit, dans ce cas-là, l'obligation pour les ulama, c'est de at-tashhir bihi wa at-tahdhir minhu. C'est-à-dire, at-tashhir, c'est quoi? C'est de faire connaître, hein, de faire connaître son égarement et ses erreurs, hein, publiquement. Et at-tahdhir minhu, et d'avertir contre lui. C'est-à-dire celui qui connaît sa réalité, hein, la réalité au sujet de son égarement, il doit la clarifier. Pour que les gens puissent par la suite s'écarter de la voie de ces gens-là. Et pour qu'ils n'entrent pas avec eux, celui qui ne connaît pas leur réalité n'entre pas avec eux. Hein, pour que celui qui ne connaît pas leur réalité n'entre pas dans leur voie et dans leur égarement, pour que ces gens-là ne puissent pas égarer les gens et les dévier et les égarer de la voie droite que Allah nous a ordonné de suivre. Hein? Et il mentionne encore une fois le verset 153 dans sourate Al-An'am. « وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petites voies qui peuvent vous diviser et vous égarer de sa voie. Hein? Et c'est ce en quoi Allah vous a enjoint, hein, pour que vous puissiez atteindre At-Taqwa et avoir At-Taqwa. Après le cheikh, il dit, ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون في مكافحة ذلك العمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم ببذر وبذر أسباب العداوة بينهم. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعتهم أو من مجتمعهم كل فتنة وضلالة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que le grand nombre des groupes et des organisations et des organisations islamiques dans les pays, dans les sociétés musulmanes, c'est quelque chose que le shaitan incite et encourage. De même, ça c'est donc le shaitan en premier qui incite à ça, à la divergence et à la division et aux nombreuses sectes et groupes islamiques dans les sociétés musulmanes. Ça c'est un. Et deuxièmement, les ennemis de l'islam également, parmi les êtres humains, qui détestent également l'islam, donc eux ils veulent faire en sorte que les divisions et les groupes et les organisations soient de plus en plus nombreuses pour justement qu'il y ait plus de sectes et plus de divisions entre les musulmans pour que par la suite les musulmans soient toujours divisés et qu'ils ne soient pas capables d'avoir une stabilité dans leur pays pour écraser en fait leur religion, pour essayer de les affaiblir, pour essayer de les faire reculer de plus en plus par rapport à leur religion et à leur foi. Et donc le cheikh il dit parce que le fait de se réunir et de réunir la parole des musulmans ensemble et de les unir tous ensemble, bien entendu c'est quelque chose qui les menace, hein? Si on est en fait, qu'est-ce qu'il dit, لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم. Oui, si on prend conscience du danger, parce que le fait de s'unir et de se mettre ensemble, de s'unir sur la vérité et de se mettre ensemble sur la vérité, ça va nous faire réaliser le danger qui nous guette et la menace qui guette notre aqida, hein? Et ça va faire en sorte qu'on va se mettre en forme et on va travailler avec énergie pour justement opposer tout ce qui est fait contre les musulmans et l'islam, et on va être un seul rang de musulmans qui travaille dans le but du bien de la Ummah et des musulmans pour repousser le danger qui guette notre religion et nos pays et nos frères. D'accord? Mais si on est tous divisés, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Imaginez-vous, subhanallah, imaginez aujourd'hui que tous les musulmans sont unis sur une seule et même aqida, et sur un seul et même manhaj, et qu'ils ne divisent, ils ne se divisent pas dans la religion, et qu'ils s'unissent. Imaginez la force qu'on pourrait avoir si on faisait ça. Bien entendu, les koufans ne veulent pas ça. Ils veulent nous garder divisés et continuer à nous diviser et semer la confusion et l'égarement. Et c'est pour ça qu'ils encouragent les groupes de bid'a à continuer à propager leurs égarements et leurs bid'a pour diviser de plus en plus les musulmans. Hein? Le cheikh il dit ensuite, et ça c'est une voie qui fait plaisir, il dit, le fait qu'on s'unit, c'est un chemin qui ne fait pas plaisir aux ennemis de l'islam, parmi les hommes et parmi les djinns. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'efforts pour diviser la parole des musulmans. Et pour les disperser et les diviser entre eux, et pour semer parmi eux les causes de la haine et de l'animosité entre les musulmans. Et donc le cheikh il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir la parole des musulmans sur la vérité et qu'il éloigne de leur société toute fitna, tout égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le garant de ça et le gardien de cette chose. Il est capable de le faire, il a la capacité de le faire, et donc on doit mettre notre confiance en lui et demander son aide pour ces choses-là. Le cheikh il dit ensuite, amma cheikh Salih al-Fawzan fa huwa ma'ruf bi ghilzatihi ala ahl al-bid'ah wa nashatihi fi ar-radd alayhim wa min rududihi al-bayan li akhta' ba'd al-kitab ومجلد وله ردود أخرى منها رده على القرضاوي في كتابه الحلال والحرام إلى غير ذلك. وهذه ردوده باستقلال وله ردود باشتراك مع لجنة الفتوى. Il dit, en ce qui concerne le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il est connu pour sa dureté envers les gens de Bid'a. Et ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Quand les gens disent, ah, vous, vous êtes durs, les salafis, hein, eh bien, sachez que les savants de la sunna et les ulama des salafs, depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours considéré comme étant une fierté et un honneur d'avoir de la dureté envers les gens de Bid'a. Et pas une dureté basée sur une réponse aveugle et une agressivité aveugle ou non, c'est une dureté qui est basée sur la science, une dureté qui est basée sur la compréhension et sur la connaissance, hein, et qui est pratiquée et appliquée avec sagesse et compréhension, hein, c'est pas juste d'être dur pour être dur, hein. Donc alhamdoulillah, c'est une dureté qui est basée sur la foi et l'adoration. Hein? C'est une adoration qu'ils font quand ils font ça, quand ils réfutent les mubtadi'a, et quand ils agissent de cette façon envers eux, c'est pour adorer Allah, et c'est pour plaire à Allah, et c'est de le faire d'une façon qui est sage et qui est correcte, et non pas d'agir n'importe comment avec les gens sans avoir aucune limite. Non, bien entendu, c'est pas le cas. Et donc, mais il faut comprendre quand même que d'avoir de la dureté envers les gens de bid'a, c'est quelque chose qui fait partie de l'exemple des ulama, des salafs, quand ils réfutent en particulier les mubtadi'a, et que ça, c'est quelque chose qu'ils considéraient comme une fierté, comme une honneur, comme un honneur, hein, et c'est pas yani, comme les gens de bid'a, parce que souvent les gens de bid'a, ils regardent la dureté des ulama de la voie des salafs et ils disent, ah, vous êtes durs. Et ils oublient, eux, qu'ils sont beaucoup plus durs et très impolis quand c'est le temps de réfuter quand ils essaient de réfuter les ulama de la sunna, et quand ils essaient de parler contre les ulama de la sunna, ils n'ont aucune politesse, aucune manière, aucune douceur, hein. Ils n'ont que des insultes dans la bouche, hein. Le fait de rabaisser les savants avec des insultes, des mensonges et n'importe quoi. Donc, tandis que les ulama de la sunna, alhamdoulillah, quand ils sont durs envers les gens de bid'a, ils sont durs mais avec justice. Et ils ne dépassent pas la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne se lancent pas dans l'insulte personnelle et les attaques personnelles. Ils clarifient l'égarement et l'erreur de ces gens-là et ils montrent aux gens ces choses-là pour que les gens soient avertis, pour le bien de la Ummah, hein, et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est important de comprendre à ce sujet-là. Et donc le Cheikh, il dit maintenant, à propos du Cheikh Saleh Al-Fawzan, eh bien sachez que le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il est connu pour sa dureté envers les gens de bid'a, et pour son effort et son énergie dans la réfutation des gens de bid'a. Il a de nombreux livres de réfutation qu'il a écrits, comme par exemple le livre Al-Bayan ou Al-Akhta et Ba'd al-Kitab au bas de l'Kuttab, c'est-à-dire la clarification au sujet des erreurs de certains écrivains. Et ça, c'est un livre individuel qu'il a écrit à ce sujet-là. Et un livre séparé, hein. Et il y a aussi d'autres réfutations qu'il a, comme par exemple le livre qu'il a écrit pour réfuter Youssef al-Qardawi dans son livre Al-Halal ou Al-Haram. Hein, et bien le Cheikh Saleh al-Fawzan, il a réfuté Al-Qardawi au sujet de ce livre-là, parce que Al-Qardawi, dans son livre, il a dit beaucoup de faussetés et beaucoup de mensonges et beaucoup de contradictions à la charia, hein, donc il l'a réfuté à ce sujet-là. Et de même que il a d'autres réfutations qui sont individuelles, et il a aussi d'autres réfutations qui sont en participation ou bien en commun avec le comité de fatwa, hein, la commission de fatwa de l'Arabie Saoudite. Le Cheikh il dit Amma Cheikh Ibn Uthaymeen فلا يحضرني الآن شيء يخصه ولكنه قد حصل منه الإنكار على المبتدع في الجملة وهو منشغل بأعماله التي قد التزمها من دروس وفتاوى وهي تستغرق وقته وبلغني أن له مواقف حازمة ومناصحات قيمة عندما اشتعلت الفتنة في القسيم بسبب دعاة الفكر الإخواني والفكر السروري Le Cheikh, il dit, en ce qui concerne le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, il n'y a rien qui me vient à l'esprit en ce moment à ce sujet-là, mais il a quand même dénoncé beaucoup de mubtadi'a en général, hein, et il est occupé par ses activités qu'il donne, qu'il fait, comme par exemple les durus et les fatawa qu'il a fait, qui prennent tout son temps. Et le Cheikh, il dit, mais aussi il m'est parvenu l'information qu'il a déposé, il a eu des positions très fermes et des bons conseils, des bonnes nasiha qu'il a donné au moment où il y avait une grosse fitna à Qassim à cause des gens qui appellent à la pensée des Ikhwan et à la pensée des Sururiyin, hein, parce que Al-Qassim, c'est là que était Salman Al-Auda et d'autres parmi les Sururiyin, et c'est là qu'il y avait une grosse fitna à certains moments. Et donc, alhamdoulilah, il a donné des nasiha à ce sujet-là, et également au sujet de Al-Mas'ari et d'autres également, il a donné des nasiha contre eux, hein. Il a expliqué que qu'est-ce qu'il faisait, c'était contre l'islam, et ainsi de suite. Donc, alhamdoulilah. Et le Cheikh, il dit ensuite, أما قلة كلامهم على عن الأحزاب الحركية فهذا غير صحيح فلهم كلام كثير في محاضراتهم المسجلة ولكنها محاضرة من قبل الحزبيين لا تنتشر ولهم محاضرات كثيرة لم تسجل وذلك بتأثير الحزبيين وتنفيرهم منها ويمكن أن نلتمس لهم العذر من وجهين. للشيخ الزي En ce qui concerne le fait qu'ils ont peu de paroles qui ont été diffusées, il dit en ce qui concerne le fait qu'ils ont peu de paroles qui sont consacrées à parler contre les groupes et les mouvements et les groupes de Hizbiyya, ça c'est incorrect parce qu'ils ont beaucoup de conférences qu'ils ont faites qui ont été enregistrées et ces conférences-là ne sont pas diffusées. Pourquoi? Parce que les Hizbiyin les empêchent d'être diffusés. Et ils ont également d'autres conférences qui n'ont pas été enregistrées du tout, qui parlent de ces sujets-là. Et ça, bien entendu, c'est aussi à cause des Hizbiyin qu'elles n'ont pas été enregistrées, parce qu'ils éloignent les gens de ces conférences-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, c'est que tous les magasins de cassettes islamiques et de diffusion de cassettes, comme on les appelle, Tasjilat al-Islamiyya, c'est comme ça qu'on les appelait. Il y avait plein de petits magasins comme ça partout en Arabie Saoudite où on vendait des cassettes islamiques, des livres et des cassettes de conférences ou des récitations de Coran, et ainsi de suite. Eh bien, la plupart d'entre ces Tasjilat, elles étaient entre les mains des Hizbiyin et des Sururi et des Ikhwan en Arabie Saoudite. Et eux, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, ils font un boycott, hein. Ils veulent boycotter et ils veulent faire un embargo culturel pour les gens. Donc, ils ne veulent pas que les gens sachent la réalité des erreurs et des égarements de ces groupes de bid'ah, de groupes comme les Ikhwan et les autres. Alors, ils ne laissaient pas les cassettes des ulama salafiyin et des cassettes des ulama, des grands ulama qui critiquent ces groupes-là être diffusées. Donc, s'il y avait une cassette ou une conférence qui était faite et qui critiquait les mubtadi'a, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la mettaient de côté, ils ne la laissaient pas passer. Et donc, ou bien ils n'enregistraient pas, parce que c'est eux souvent qui enregistraient les conférences dans les mosquées. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne les enregistraient pas, justement parce que ça les critiquait. Et donc, le cheikh dit, on peut les excuser, les ulama, de deux points de vue. Al-wajh al-awwal. قِلَّةُ احْتِكَاكِهِمْ بِهِمْ فَهُمْ بِحُكْمِ عَمَلِهِمْ لَا يَحْتَكُونَ فِي هَذِهِ الْأَحْزَابِ وَلَا أَهْلِهَا فلذلك لا يكثر كلامهم في أصحاب الأحزاب الحركية. والوجه الثاني أنهم لكثرة ما يسند إليهم من أعمال لا يمكنهم التصدي لمثل هذا الأمر ولا التفرغ له ولا العناية به، وبالإضافة إلى أنهم ربما اكتفوا بالإجابات على الأسئلة المقدمة لهم وإن كانت قليلة ومن أنكر هذه المناهج المبتدعة مرة فهو على إنكاره حتى يأتي منه ما يناقضه ونعيذهم بالله من ذلك. أما نحن فبحكم احتكاكنا بهم وقربنا منهم وكثرة ما يعرض علينا من أعمالهم بحكم ذلك كله فقد ظهر لنا من سلبيات حزبياتهم ما رأينا من خلاله أنه يتعين علينا أن نبينه لمن لا يعلمه والله من وراء القصد وهو بالمرصاد لكل عبد وقد قال جل من قائل إن ربك لبالمرصاد. Donc le cheikh il dit quoi ici? Il dit qu'on peut trouver deux excuses pour les ulama, la raison pour laquelle ils n'ont pas consacré plus de temps pour réfuter les groupes de Hizbiya et les Mubtadi'a. Le premier point, c'est qu'ils n'ont pas fréquenté et côtoyé beaucoup ces groupes de Hizbiyin et ces partis-là. Ils ne connaissent pas les gens qui suivent ces groupes-là, ils ne les fréquentent pas beaucoup. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'ils n'ont pas beaucoup parlé contre ces groupes-là. Et la deuxième excuse que le cheikh a mentionnée, c'est le fait que ils ont beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Ils n'ont pas toujours le temps de se ils n'ont pas le temps de se libérer pour se concentrer uniquement sur l'étude de ces questions-là et la réfutation de ces différents points-là. Donc ils se limitent probablement uniquement à la réponse des différentes questions qui leur sont présentées, même si elles sont peu nombreuses, mais c'est pas grave. Même si un des ulama a répondu à une des questions qui leur a été posée au sujet des manahij et des voies des gens de bid'a, et qu'ils ont répondu une fois à ces groupes d'égarements-là, eh bien, ça suffit comme dénonciation de l'égarement de ces groupes de bid'a. Jusqu'à ce que vienne quelque chose de la part de ces savants-là qui viennent contredire ou opposer cette fatwa ou cette position, et qu'Allah les protège de revenir sur leur position à ce sujet. Ensuite, il dit, en ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire en ce qui concerne le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, nous avons côtoyé ces gens-là de très près, on a été souvent avec eux et on est au courant, et on a été au courant de leurs activités, et à cause de tout ça donc, on a pu voir beaucoup de leurs aspects négatifs et des dangers de leur et des problèmes de leur partisanisme et de leur hizbiya, et à cause de ça donc on a considéré que c'était obligatoire pour nous personnellement de se charger de clarifier ce qu'on savait au sujet de ces groupes d'égarements là, et Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a derrière notre intention, et Allah subhanahu wa ta'ala il est aux aguets par rapport à ses serviteurs, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna rabbaka labil mirsad, Allah subhanahu wa ta'ala est aux aguets et il nous guette de près, il nous surveille de près. Donc ça c'est la fin de la réfutation. Maintenant, on va lire juste pour terminer l'appel que le cheikh a fait au sujet des gens qui ont été affectés par les groupes de Hizbiya et des gens qui ont un sentiment un attachement sentimental avec les Hizbiyin. Parce qu'il y a des gens qui font partie de ces groupes-là et qui sont membres de ces groupes-là. Et il y a les autres qui ne sont pas membres des groupes, qui ne sont pas avec eux physiquement ou avec eux officiellement, mais qui les supportent et qui les supportent dans leur cœur, ou bien qui les supportent dans leurs paroles, et ainsi de suite, même s'ils ne sont pas avec eux ou même s'ils ne sont pas membres de leur groupe. Et eux aussi font partie des Hizbiyin, même s'ils ne sont pas membres de leur groupe. Donc le cheikh il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نداء للمتأثرين بالحزبيين الإخوانيين الإخوانية والمتعاطفين معهم. أيها الإخوة، لقد عرضنا لكم ما في هذا المنهج، وما عند أصحابه من سلبيات كثيرة وسيئة إلى أبعد الحدود. فهل أنتم تائبون وعائدون إلى ربكم؟ هل أنتم راجعون إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح؟ عباد الله، إنه لا نجاة من عذاب الله إلا باتباع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه رضي الله عنهم. تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق لما سئل عن الفرقة الناجية: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم، على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهل أنتم على مثل ما هم عليه في تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك؟ فهل أنتم على مثل ما هم عليه في متابعة السنن ونبذ البدع ومحاربتها؟ هل أنتم على مثل ما هم عليه في طاعة الولاة وعدم منازعتهم والإثارة عليهم وتأليب العامة ضدهم؟ هل أنتم على مثل ما هم عليه في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى؟ هل أنتم على مثل ما هم عليه في التعامل والتراحم؟ أيها القوم، زنوا أعمالكم بميزان الشرع، ميزان الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، وانظروا هل أنتم على الحق أو قد تركتموه أو تركتم بعضه. فإن كنتم على الحق تم ربكم سبحانه وتعالى الذي وفقكم له وسألتموه الثبات عليه. كنتم قد تركتموه أو بعضه، راجعتم حسابكم اليوم قبل أن يفوت الأوان. تذكروا بأن الله سائل كل واحد منا: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون؟ أيها الإخوة، إني أدعوكم دعوة ناصح لكم ومشفق عليكم أن تتخلوا عن الحزبيات وتعودوا إلى رحاب الحق والسنة. فإن أبيتم فإن الموعد بيننا وبينكم بين يدي ربنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, le cheikh il dit, pour terminer: ô mes frères, on vous a présenté dans ce qui a précédé, dans les cours précédents, on vous a présenté les manhajs des gens qui ont dévié, et on vous a montré leur côté négatif et leurs aspects négatifs, au plus loin possible de la limite qu'on vous a expliqué ces choses-là. Est-ce que alors vous allez vous repentir? Est-ce que alors vous allez revenir à votre Seigneur? Est-ce que vous allez revenir au livre et à la sunna de votre prophète et au manhaj des salaf salih? Ô serviteur d'Allah, il n'y a pas de salut contre le châtiment d'Allah. Il n'y a pas de moyen de se sauver du châtiment d'Allah excepté en suivant la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des compagnons du prophète radiyallahu anhum. Et rappelez-vous que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui parle de la division de la Ummah, lorsqu'on lui a demandé au sujet du groupe sauvé, il a répondu en disant: ce sont ceux qui sont sur ce que nous sommes aujourd'hui, ainsi que moi, ainsi que mes compagnons. Donc, le cheikh il dit: est-ce que vous êtes aujourd'hui sur ce que suivaient les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba dans la réalisation et l'application du tawhid et la guerre contre le shirk? Est-ce que vous êtes sur une position qui est pareille à celle, est-ce que vous pouvez comparer ce que vous suivez aujourd'hui à ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba dans la façon de suivre la sunna et de rejeter et de déclarer la guerre à la bid'a? Est-ce que vous êtes capable de dire que vous êtes sur la même voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba sur la question d'obéir aux dirigeants et de ne pas s'opposer aux dirigeants et de ne pas essayer de soulever les gens contre leurs dirigeants, est-ce que vous êtes capable de dire que vous êtes sur la même voie que les salafs sur dans les questions de l'adoration de votre Seigneur? Est-ce que vous êtes capable de dire que vous êtes sur la même voie que les salafs dans la façon d'agir entre nous, entre vous, entre les musulmans, dans le comportement et dans la miséricorde? Hein? Oh, les gens, pesez vos œuvres par la balance de la charia, par la balance de la révélation, par la balance du Coran et de la Sunna et des actions des salafs de la Ummah. Et regardez, est-ce que vous êtes sur la vérité ou bien est-ce que vous l'avez abandonné? Ou est-ce que vous avez abandonné une partie de cette vérité-là? Donc si vous êtes sur la vérité, alors, alhamdoulillah, ça veut dire que Allah vous a donné le succès. Hein? Et il vous a donné ce succès, il vous a mis sur le succès. Et demandez-lui, dans ce cas-là, de vous raffermir sur cette vérité-là. Ou si vous avez abandonner la vérité au complet ou une partie de la vérité, alors refaites vos comptes aujourd'hui. Hein? Refaites vos comptes aujourd'hui et faites-le avant qu'il soit trop tard et que la mort ne vous atteigne. Et rappelez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala va questionner chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on a répondu au messager et qu'est-ce que vous avez fait comme œuvre. Oh mes frères, je vous invite d'une invitation sincère pour vous, parce que j'ai peur pour vous et je veux du bien pour vous, d'abandonner toutes ces hizbiyat et de revenir dans la voie de la vérité, de la sunna. Parce que si vous refusez de revenir, sachez que notre rendez-vous entre vous et nous, c'est devant notre Seigneur. Et il cite le cheikh le verset 227 dans sourate Ash-Shu'ara. Ash-Shu'ara, c'est les poètes. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Hein? C'est-à-dire que les choses vont retourner contre eux, ceux qui sont injustes. Hein? Ensuite, le cheikh, il donne une autre nasiha aux musulmans qui suivent le manhaj des Ikhwan en Arabie Saoudite. Et parce qu'il y en a qui ont cette chouba, qui disent « Ah, mais vous parlez des Ikhwan qui sont dans d'autres pays, qui ont d'autres idées qui ne sont pas correctes. Nous, en Arabie Saoudite, on n'a pas... nous, les Ikhwan de l'Arabie Saoudite, on n'a pas les mêmes choses que ces autres groupes. Hein, » de bid'ah et ainsi de suite. Donc ils utilisent la même choubha aussi par rapport au tablir. Hein? Ils disent par exemple, ah, mais les tablir dans d'autres pays, ouais, ils ont des bid'ah, mais nous les tabliriens de l'Arabie Saoudite, on n'est pas dans ces, on fait pas la même chose que ceux-là. Et le cheikh, il leur répond en fait en disant que peu importe que vous ne le faisiez pas, Du moment où vous êtes en train de vous associer avec eux dans la da'wah et que vous faites partie de leur groupe, même si vous ne faites pas la même chose qu'eux, vous êtes complice avec eux parce que vous ne les dénoncez pas et vous ne les réfutez pas. Hein? Et donc, ça c'est un point que le cheikh explique, mais on ne va pas lire cette partie-là parce qu'on n'a pas, il reste pas, c'est un petit peu long. Et puis on vous laisse arrêter à ce point-là. Donc, on va s'arrêter à ce point-là. Je pense que qu'est-ce qu'on a lu pour l'instant, c'est suffisant, Inch'Allah. Puis, à la fin, le cheikh, il met une conclusion dans laquelle il fait un résumé de toutes les contradictions qu'il a mentionnées depuis le début du livre jusqu'à la fin par rapport au manhaj des Ikhwan. Il les énumère un par un de façon résumée. Mais sauf qu'on va pas le lire parce que on a déjà énuméré toutes ces choses-là de façon détaillée. La seule différence, qu'est-ce qu'il fait à la fin du livre, le cheikh, c'est qu'il les classifie. Donc il mentionne les choses qui sont parmi les contradictions des Ikhwan, qui sont parmi les choses qui font partie du kufr majeur qui fait sortir de l'islam, comme la foi en Wahdatul Wujud ou les formes de shirk majeures, ou bien la croyance de la liberté, hein, de croire qu'on est libre dans nos croyances, ou d'appeler à l'unicité de la religion, de mettre une mosquée avec une église ensemble, ou des trucs de ce genre, ou de croire que les chrétiens et les juifs ne sont pas des kuffars, ou de croire que les lois faites par l'homme sont égales à la charia. Tout ça, c'est des formes de kuffre majeures. De même que celui qui dit que d'invoquer les morts, c'est pas ni shirk ni idolâtrie. Donc ça, c'est des paroles, bien entendu, qui sont des formes de shirk et de kuffre majeures. Et il y en a d'autres également qui sont mentionnées. Donc ça, c'est des exemples de formes de kuffre et de shirk majeures. Puis ensuite, il y a d'autres catégories de choses qui ont été mentionnées, qui ne font pas partie de ce qui rentre dans le kuffre majeur, et qui ne fait pas partie du kuffre. Donc, c'est des erreurs et des contradictions, mais qui ne rentrent pas dans le kuffre majeur. Donc, il en a mentionné, il les a énumérées. Donc, dans les formes de kuffre majeur, il a mentionné 11. Et dans les exemples ou les erreurs qui ne sont pas des formes de kuffre majeur, il en a mentionné 66. Donc ça, c'est tout ce qui a été mentionné dans ce cours-là. Donc on s'arrête aujourd'hui, Inch'Allah, avec le cours 22. C'est le dernier cours dans la série de Ar-Rad al-Shar'i al-Ma'qul al-Muttasil al-Majhul. Espérons que ce sera un bon rappel pour les frères et les sœurs qui veulent savoir des questions qui ont rapport avec le manhaj, qui veulent avoir des arguments pour réfuter les Hizbiyyin et les Ikhwan et les autres gens de bid'ah de cette catégorie. Donc, alhamdoulillah, le but c'était ça, de clarifier justement ces erreurs-là et de faire prévenir les musulmans contre les erreurs et les égarements de ces gens-là. Et donc, yani, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre effort dans ce travail, et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos manquements et nos faiblesses et nos erreurs dans ce travail aussi, si on a fait des erreurs. Et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier dans nos intentions, hein, et de faire en sorte qu'il accepte nos œuvres et qu'il les rende purement et sincèrement pour son visage. Et aussi, donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir la Ummah, de réunir les musulmans sur la vérité et de leur donner le succès dans cette vie et dans l'autre. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine prochaine, on va commencer un autre sujet, un autre cours totalement différent, Inch'Allah. Je vais vous annoncer ça durant la semaine, Inch'Allah, sur mon groupe sur Kaïm, Inch'Allah. Donc à la semaine prochaine, à samedi prochain, à la même heure, c'est-à-dire 16h30 pour la France et 10h30 pour Montréal, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.